Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Sixième épisode. On a quitté Sydney hier, on est passé par Bangkok, il a encore fallu changer à Addis Abeba, et après 11 heures de vol, on atterrissait enfin à Kilimandjaro, Tanzanie, avec Ethiopian Air. Et surtout avec 2 351 $ et 63 cents de moins par tête sur nos comptes courants. Touristes, nous ? Voyageurs, plutôt. Pourquoi ? Tu veux pas qu'on prenne pour un touriste ? Eh ben, disons que je sais que nous, on pique-nique pas en buvant dans des verres en plastique. Et ne jamais entreprendre un voyage en juillet-août, c'est le béaba, Stéphane. T'imagines, j'ai lu que pendant 2 mois, il y a plus de 500 4x4 par jour dans le cratère de Ngorongoro. Quoi, par jour ? Ici ? Oui, exactement devant ce paysage. T'imagines la file indienne ? L'autoroute des vacances, un safari. Les types appellent ça un safari. Je comprends mieux pourquoi tu voulais pas qu'on repousse le départ. Ouais. Maureen ne comprenait pas. Elle a pas arrêté de dire que c'était de la folie de partir maintenant à cause de la mousson. Si elle préfère l'autoroute et les heures de pointe. C'est pourtant une fille intelligente, Maureen. J'espère. Je te rappelle que je l'épousais un peu sur tes conseils. Et avec ma bénédiction. Mais regarde là. C'est une antilope, ça. Je sais pas. Ouais, je connais bien, ça. Ouais. Moi, je les chope par les cornes. Ouais, évidemment. Tu parles. Je sais pas si on peut s'approcher un peu plus. Oh, on peut toujours. On peut s'approcher un peu plus ? Attends. Tout le monde se précipite hors de sa voiture, sauf les trois conducteurs. Des noirs impassibles et souriants qui ont l'air suffisamment blasés avec les touristes pour ne pas s'affoler au premier signe d'hystérie devant les élans de la faune. C'est l'émerveillement. Le partage d'une sensation d'immensité. Ce sentiment de participer à quelque chose comme la nuit des temps. Le monde originel, comme si vous y étiez. Ils y sont. Ils en sont sûrs, tous les 6. Même s'ils connaissent l'Afrique, qu'ils y sont venus plusieurs fois. Une fois au Kenya. Une autre au Mali. Au Congo. Et au Burundi. Stuart et Stephen le savent. Pour être très riche, il faut dédaigner aussi les riches. Ne pas se montrer là où tout se montre. Garder quelque chose de secret et de rare, c'est la règle. Voilà aussi pourquoi il n'est pas possible de passer ses vacances à crapahuter en Australie. Même si les terres rouges préhistoriques le méritent amplement, même si tout y invite. Non. Il vaut mieux laisser les plaisirs abordables à ceux qu'on ne veut pas croiser. Et leur laisser ces plaisirs que nous délaissons puisque nous ne cherchons à flirter qu'avec l'inabordable, le hors de portée. Et ce soir même, on pourra s'étonner et disserter longtemps, à l'abri de son lit et d'une chambre à bonne température, légèrement fraîche, de ce besoin d'exploit, comment appeler ça autrement, dont Stuart avait soudain été pris alors qu'on venait de croiser, sur une piste défoncée et loin de la dernière route goudronnée, un groupe de lions. Un mâle, une femelle et 3 lionceaux. Mais voilà, on avait à peine pu regarder l'image. S'émouvoir du tableau des lionceaux faisant leurs dents et leurs griffes sur la carcasse rougeoyante, et leur mère se léchant parfois, rassasiée, apaisée et presque somnolente. Prendre la mesure de ce qu'on avait sous les yeux, ce spectacle, des touches de vert émeraude et de brun, de couleurs, pâlissant vers le fond, l'aspect minéral du ciel, les ombres des nuages caressant l'aridité du sol, des éclats de blancheur, la lumière filtrant le ciel et percutant les herbes, les cailloux, les creux, la poussière et les arbres, que Stuart, d'un mouvement imprévisible, d'un bond rapide, souple, n'entendant pas le cri de Stephen derrière lui et encore moins celui du conducteur censé protéger les hôtes des dangers potentiels et d'eux-mêmes comme danger, avait jailli de la voiture en s'élançant vers les lions sans prendre d'autres précautions que d'avancer en les regardant fixement comme pour les prévenir de son arrivée. Stuart avait entendu le cliquetis des armes qu'on charge et même s'il savait sans doute qu'on lui ferait des reproches, le jeu était trop fort. La tentation trop excitante, trop exaltante pour y renoncer. Et puis, il payait. Il pouvait s'acheter le mécontentement de ses conducteurs, qui étaient aussi ses gardiens, qui vivaient grâce à des gens comme lui. Il avait le droit de prendre des risques, ou plutôt de faire comme s'il prenait des risques, puisque eux, derrière, étaient payés pour que les types comme lui puissent s'offrir le luxe de l'adrénaline et l'apparence du danger. Et maintenant, malgré ce qu'il savait des fusils braqués sur les lions, le protégeant, il sentait son corps fondre sous lui. Les jambes vacillantes, la bouche sèche, la gorge serrée. Et pourtant, il avançait encore et tenait l'appareil photo à bout de bras et s'était mis à regarder dans le viseur. Il avançait, retenant son souffle, ses mains tremblantes. Et l'appareil photo devenait de plus en plus lourd, un poids soudain incroyablement lourd. Le boîtier soudain trop chaud dans ses mains moites, les doigts le retenant avec de plus en plus de difficultés et s'accrochant de plus en plus difficilement, alors qu'il semblait maintenant à Stuart que son corps entier tremblait d'un tremblement qu'il aurait bientôt du mal à contenir. Et pourtant, il avançait encore. Alors, ce soir, dans le lodge, chacun ira de son commentaire. Mark et Christina, consternés une fois encore par l'incroyable cuistrerie de Stuart, son arrogance et son sens de la provocation. Maureen et Jennifer, à la fois scandalisées par le risque inutile et fascinées malgré tout par la beauté virile de cette même inutilité. Et Stephen, lui, soudain taciturne, plongera dans une sorte de rage froide, renfrogné, à la fois très en colère contre cette prise de risque spectaculaire et puérile, et surtout presque exclusivement jaloux, fou de rage d'en être. Lui, parfaitement incapable. Maureen avait eu le réflexe et l'intelligence, l'à-propos, de se saisir de son énorme Nikon et de son super téléobjectif AF-70-300mm pour immortaliser ce moment, afin que finisse au-dessus du bureau de verre de Stuart, à côté de photographies arrachées à prix d'or à des galeries new-yorkaises, l'image et la preuve, non pas de cette folie qu'il avait pris de se mettre en danger inutilement, mais de mettre en scène aussi brillamment, par instinct, avec rapidité et clairvoyance, sa supériorité sur le reste de ses concurrents, au bureau et dans la vie. Dans le monde ouaté et néanmoins violent d'un homme d'affaires de Sydney et du monde civilisé. Maureen et Stephen auront tout le temps de profiter du confort de leur lodge. Maureen, elle, voudra se détendre, se reposer longtemps dans la chaleur du bain qu'on leur fera couler à peine rentrée du safari. Je trouve ça prévenant et adorable. C'est la moindre des choses. À ce prix-là, autour de $1,000 la nuit, pour au moins avoir la télé ou la connexion Wi-Fi. Stephen avait beau vouloir se persuader qu'il s'en moquait. Tout prouvait le contraire. Depuis toujours, c'était comme ça. Il n'avait jamais pu supporter ce succès. Cette excitation qu'il voyait briller dans les regards sur Stuart, cette envie qu'il suscitait et qui le renvoyait, lui, à l'indifférence polie, alors qu'il savait tout de Stuart, ses combines, sa médiocrité, ses petitesses. Ce serait tellement facile de déboulonner cette belle statue. Il avait pardonné à Maureen et à Stuart de l'avoir trompé pendant des années. Fier au fond que Stuart ait désiré sa femme, et fier aussi d'une façon plus retorse, que sa femme ait désiré son meilleur ami. Il ne gardait de cette époque qu'une intime et discrète blessure qu'un rien pouvait réactiver. Comme ce regard trop languissant, trop émerveillé qu'il surprenait parfois chez Maureen lorsqu'elle regardait Stuart à la dérobée. Dis-moi, tu te souviens, ma chérie, quand on est allé au Congo il y a 3 ans? Oui, je me souviens. Pourquoi? Tu te souviens, ma chérie, que j'étais partie avec Stuart pendant 2 jours, rien que lui et moi. Oui, peut-être, je sais plus. Peut-être, si tu le dis. Oui, je le dis. Est-ce que tu te souviens, rappelle-toi, vous étiez resté avec Jennifer et nous, on était partis comme de vieux baroudeurs. Et tu te souviens peut-être, on vous avait raconté que dans la nuit, en plein désert, venant de nulle part, on pouvait trouver des gamins qui partaient à l'école à pied à 4h du matin, sur des chemins complètement défoncés, des gamins qui marchaient par deux ou trois avec des sacs d'école qui devaient au moins dater des années 80. Tu te souviens quand vous avez raconté ? Non, Stéphane, je ne me souviens pas. Mais si tu le dis... Oui, je le dis. Si tu le dis, c'est que tu dois avoir raison. Mais tu pourrais aussi me dire où tu veux en venir. Je veux en venir qu'on vous a peut-être raconté ça, mais qu'on vous a pas tout dit. Avec Stuart, le beau Stuart. Non. Et je pense qu'il l'a pas dit. Il ne s'en est pas vanté, ça, non. Crois-moi. Quand il a roulé comme un fou sur un sentier, que c'était encore la nuit. Une nuit chaude et moite. Que le ciel était très clair. C'était presque le matin. On avait encore des kilomètres à faire pour aller je sais plus où. Avec nos fusils. Et sur la route, il y avait des trous, des bosses. Ce con de Stuart évitait les trous et les bosses. Et s'était mis à foncer comme un dingue. Et on entendait les broussailles qui passaient sous la voiture dans des froissements, des griffures. Puis la poussière qui envahissait tout et nous étouffait. Et nous, comme des cons, riaient. Il riait, ton fameux... Hey, Stéphane, tu arrêtes avec Stuart. Je sais comment il est. Je sais qu'il est prétentieux et vaniteux, mais je te rappelle que c'est ton ami avant d'être le mien. Oui, je sais. Je me souviens, ma chérie. Pour toi, Stuart n'est pas qu'un ami. Pas seulement un ami. Et là, n'y tenant plus, Maureen se relèvera de son bain et l'eau débordera de la baignoire et de la mousse blanche et des bulles irisées glisseront sur sa peau et disparaîtront sous les plis de la serviette éponge dans laquelle elle commencera à s'essuyer, fermant les yeux, les oreilles, se frottant déjà les cheveux pour ne pas entendre la voix de Stephen, sa haine refoulée qu'il crachera avec dépit et stupidité. Elle n'aime pas quand Stephen est aussi médiocre et mesquin. Mais elle devra entendre, et bien sûr, elle entendra. Croyant qu'elle ferait de son mieux pour ne pas retenir ce qu'il dira, et pourtant elle ne pourra pas. Les mots viendront pour la figer, l'interrompre, la glacer. Le bruit mat des deux gamins prenant le pare-choc de plein fouet, et le plus jeune des deux s'écrasant contre le pare-brise avant d'être projeté quelques mètres plus loin. Son sac d'école plus loin encore. Une dizaine de mètres plus loin, dans les ronces. Et le corps de l'enfant. Le plus petit fracassé au loin alors que le plus âgé des deux était resté assez près de la voiture. Gémissant d'une voix si faible, un filet de voix. Une plainte presque douce. Mais la voiture avait roulé encore avant de s'arrêter. Et tu veux que je te dise ce qu'il a fait, Stuart ? Tu veux savoir ? Tu te fous de ma gueule, Stéphane. Tu te fous de moi, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ton histoire, c'est pas vrai. Dis-moi que tu mens. Je me souviens des putains de phares et du moteur qui tourne. Et des taches de sang sur pare-brise et de Stuart qui se démontait pas, qui a pris un jerrycan de flotte pour laver les taches de sang sur le pare-brise et sur le pare-choc. Et moi, je suis allé voir les gamins, et le plus petit était déjà mort. Mais le grand était sonné, il avait du sang dans la bouche, derrière la tête, il y avait du sang. Je me souviens du moteur. Moi, je me suis penché pour le prendre dans mes bras. Je voulais le prendre dans mes bras. Stuart m'a dit non, on se casse, on reste pas là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu as fait ça ? Je te raconte que moi, je voulais qu'on prenne les deux gosses avec nous, même celui qui était mort, et qu'on aille dans le premier village. Mais Stuart a dit, si on fait ça, on va se faire lyncher, bordel ! Tu veux te faire lyncher, arriver dans un village, et leur dire, on a buté vos gosses, on vous les rend et on se barre ? Tu crois qu'ils vont nous laisser partir sans nous tailler en pièces ? Putain, réfléchis, Stéphane ! Voilà. Et toi ? Toi, tu l'as écouté ? Tu l'as écouté et vous avez fait quoi ? On a décidé, je sais. Je sais, Maureen, on a eu tort. On n'aurait jamais dû faire ça. Putain. Vous vous êtes barrés. Vous vous êtes enfuis. Vous êtes partis deux jours faire votre putain de safari. Et vous êtes allés faire vos conneries. Vous n'avez rien dit à personne. Tu me dis ça maintenant et tu crois quoi, Stéphane ? Quoi ? Quoi, Stéphane ? Que je vais dire quoi ? Allez, santé les amis. Santé, santé. Ah, on l'a bien mérité celui-là. Wow, quelle journée. Ah, Stéphane. Et Maureen, elle vient pas? Non, Maureen est très fatiguée. Elle n'a pas faim, elle préfère se coucher. Non, bon. D'ailleurs, depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle ne mange pas beaucoup. Elle a maigri de façon tout à fait anormale. Et près de 7 kilos en un an, c'est beaucoup. Oui, c'est trouvez pas, pas. Ouais, Maureen refuse d'en parler. Même pour quelqu'un qui fait du sport, c'est beaucoup 7 kilos. Non, et puis elle se réveille toutes les nuits en sueur, transpirant énormément à cause de tout ce stress lié au boulot. Bon, il y a les enfants aussi, bien sûr. Ils nous font voir et du coup, elle se réveille vers 4 heures et a toujours de grandes difficultés à retrouver le sommeil. Les femmes plouent plus que les hommes sous les charges cumulées de la vie familiale et professionnelle. Vous trouvez pas? Faut croire. On se disait que cette journée a tout de même été folle en sensations et en émotions. Tu veux parler de ton exploit? Non, Stéphane. Non, je parlais des paysages, de la faune, de la flore, de ce monde merveilleux. Et de ces imbéciles de lions qui n'ont même pas essayé de te bouffer. On n'est pas au bureau, Stéphane. Le repas est servi, un repas très peu épicé, à l'occidental. Personne n'ayant envie de risquer l'intoxication, par une équipe de jeunes noirs très beaux, au corps parfait. C'est parfait. Tout est parfait. Une journée dont on se souviendra très longtemps. C'est bon. La mousson a peut-être éclaté. Oui, le ciel est sombre. Là. C'est bizarre, non? D'être déconnecté du monde. De ne pas avoir Internet, la télévision, pas même une radio, rien. C'est reposant, tu veux dire. Imaginez que la Terre se soit vidée de ses habitants et nous restons seuls. Ouais, nous six. Seuls avec les Maasai, les Africains qui nous servent et ceux qu'on a croisés. Et soudain, cette idée déplace quelque chose dans l'air, de désagréable. Ouais. Et tous reprennent et commentent les Hakuna Matata. Ça va bien, tout va bien. Comme les conducteurs l'ont répété en Swahili à longueur de journée. On parle de ces Africains qu'on avait voulu photographier au Kenya et qui malheureusement portaient des vieilles Nike à leurs pieds. De comment on avait voulu qu'ils s'en séparent le temps de la photo pour faire plus typique et authentique. On se met à rire en évoquant l'incompréhension de cet Africain qui ne comprend pas pourquoi on veut qu'il retire ses baskets puisqu'il les porte depuis des années. On rit du ridicule de la situation. On se met à parler des gens qu'on a rencontrés, de cette générosité affolante qu'ont les Africains. Leur curiosité à votre égard. Ils sont si différents et pourtant si proches. Sans se douter que, de leur côté, ils commenteront vos allures, vos mots, vos gestes, votre attitude si pittoresque, se disant peut-être entre eux, le soir, alors que les enfants seront couchés et qu'on servira le repas des adultes, ils sont si différents et étranges. Et peut-être qu'ils parleront de la pâleur extrême des hommes venus d'ailleurs, de leur pâleur, mais aussi de ces hommes noirs de peau et dont le cœur est blanc, dont les habitudes et les mœurs sont celles des Blancs. Mais c'est aussi pour ça que Peter n'a jamais aimé les voyages en Afrique. Parce que c'était toujours à lui qu'on avait demandé des renseignements lorsqu'il y était venu une ou deux fois, il y a longtemps, sous prétexte qu'il est noir. Lui qui ne connaît rien à l'Afrique et ne veut rien en savoir. De toute façon, il n'a pas l'intention d'y revenir. Et le seul lion qu'il veut voir, c'est celui qui sert de rampe à l'escalier de l'hôtel Plaza de la Via del Corso, à Rome. Voir d'autres fauves, des animaux sauvages, oui, il veut bien, pourvu qu'ils soient taillés dans le marbre, dans la pierre, qu'ils ornent des façades ou trônent sur des places, en haut d'escaliers imposants, qu'ils soient peints, gravés, dessinés, sculptés, animaux de la savane ou créatures imaginaires et fantasmagoriques qu'on peut trouver dans les palazzi et les églises, comme il en a des tonnes en photo, des animaux qui lui démontrent que depuis toujours, Rome, la catholique, est secrètement païenne, animale et sauvage. Non, merci, c'est très bien. Je m'en occupe. En sortant de l'avion à l'aéroport de Fiumicino, Fancy avait proposé de prendre un taxi, mais il avait refusé. Fancy l'avait regardé s'acharner, s'essouffler, souffrir presque, à vouloir porter seul leur valise. Et tout de suite, elle avait bondi pour l'aider. ignorant combien elle est blessante en agissant si rapidement. Tant son corps est souple, rapide, sans rien qui l'entrave. Et certainement sans l'âge auquel elle vient de le renvoyer. Fanzine ne se souvient pas si Peter lui avait paru vieux ou non quand ils s'étaient rencontrés. Beau ou pas, lorsqu'Owen le lui avait présenté un vendredi soir, dans le salon du grand appartement d'Islington. Comment vas-tu, Owen ? Ça va. Il fait froid, non ? Papa, tu veux un whisky ? Une bière ? Quelque chose avant de partir ? C'est ce que vous prenez ? Oui. Merci, alors, oui, un whisky. Sans glace. Ça ne vous gêne pas, mademoiselle, si je fume ? Non, non, je vous en prie. Tous les deux. Toujours Greenpeace ? Ta mère m'a dit que tu voulais retourner en Afrique. Ce sera la 8e fois déjà. T'en as pas marre de l'Afrique ? Non, papa, j'en ai pas marre de l'Afrique. C'est quand même là d'où on vient, non ? Ton père n'a pas l'air si affreux. Oui, il est très classe. C'est un vieux séducteur. T'es injuste, non ? Franchement, tu le connais pas. Tu parles de ton père comme si c'était un mec que tu connaissais pas. Comme si tu voulais pas le connaître. Comme si tu le méprisais. Mon père est un putain de noir qui méprise tous les noirs. Rien n'existe pour lui à part ses cigares toscans et ses connards de clients. Et maintenant, en entrant dans le hall du grand hôtel de la Via del Corso, Fancy découvre ce qu'elle savait sans se résoudre à y croire. Un homme peut jeter son argent par les fenêtres pour elle. Elle ne veut montrer que sa joie, et non pas ce vertige contre lequel elle se débat. Elle qui se sent soudain si minuscule, réduite à presque rien parce qu'à côté d'elle, il y a cet homme qui pourrait être son père s'il n'était pas noir. Mais il n'est pas son père. Il est son amant. Alors elle se laisse porter au pays des merveilles et des songes éveillés. Oui, quelques jours d'un bleu léger et liquide comme la pureté de l'air. Ce luxe facile et cette beauté devant elle. Le lion de pierre, l'immense rampe sculptée dans le grand escalier et le détail de cette opulence. Le silence moelleux d'une moquette épaisse d'un rouge profond. Des fioritures vertes et or. Les lustres, les bois, les cuivres et l'attention prêtée à toute chose. Cette vue sur la Trinité des monts. Les terrasses, les fleurs, les lys, les arômes. Mais aussi, lorsque la porte se referme sur eux, lorsque, enfin, ils sont seuls, n'ayant qu'à ouvrir les valises, se doucher, se changer. Se reposer peut-être avant de partir chercher cet homme impossible parmi les rues et les passants. Faire l'amour comme lui aime le faire. Doucement. Lentement. Puis soudain avec quelque chose de brutal et d'absent. De si profondément absorbé qu'une fois encore elle s'en étonnera et se sentira seule. Mais avec cet étrange bonheur de le voir revenir ensuite et de sourire. Comme en remerciement pour ce privilège qu'elle lui donne à chaque fois de pouvoir s'oublier complètement. En toute confiance, comme si c'était le but de toute sa vie. Elle sait tout ça, et contrairement au dégoût qu'Owen avait voulu lui faire partager, elle aime cette dose d'autorité et de volontarisme. Et ça, ce jour où ils avaient décidé de solder les derniers comptes, elle n'avait pas eu la cruauté de le dire à Owen. Fancy regarde Peter dormir dans la lumière violette de la nuit. Elle approche son visage, très près de lui, pour l'embrasser. mais sa bouche n'ose pas toucher la joue de Peter. Parce qu'elle se souvient maintenant de cette nuit où c'était Owen qu'elle avait regardé dormir, et où, pour la première fois, l'idée monstrueuse lui avait traversé l'esprit avec la violence d'un coup de hache. C'était le visage de Peter, le père, qu'elle aimait dans celui d'Owen, le fils. Elle se souvient de comment elle avait voulu fuir cette idée. Comment cette idée s'était faite de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elle avait tenté de lui échapper. Quelque chose s'était consolidé. Cette monstruosité avait survécu et grandi dans le silence, proliférant comme les feuilles et les branches sur les bras laiteux et tendres de Daphné. Tu vois, dans ce marbre, cette blancheur, on dirait que la lumière vient du marbre, que le marbre devient chaleur, devient vie, que les rainures sont des veines et qu'à son tour le sang devient sève, que la chair devient bois. Et la course, la pétrification, le désir et la mort sont là, comme la stupidité et l'échec d'Apollon. Parce que Daphné veut le fuir, et que pour ça, elle se transforme en laurier. Et même si Peter n'était pas Apollon, Fancy avait pensé qu'elle aussi avait tout fait pour le fuir. Quand, dans le silence du musée Borghese, elle avait fait le tour de la grande statue du Bernin, elle avait pu voir, de dos, comment déjà Daphné disparaissait sous les feuilles et les branchages d'un laurier monstrueux. Comment, en prétendant la camoufler, la nature ne faisait que révéler la violence et l'inextricable désordre du désir. Fancy avait pensé qu'on ne peut rien, parfois, et que le bonheur, c'est de s'abandonner à l'interdit qui le fait naître. Peter. Peter. L'homme qu'elle regarde ainsi dans la nuit, dont enfin Fancy ose caresser la bouche, le dessin des lèvres, le sillon au-dessus et bientôt le nez. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation Louise Loubrieux. Sixième épisode. Avec Philippe Chen, Stephen, Bertrand Pazos, Stuart, Johanna Nizar, Maureen, Clémentine Verdier, Jennifer, Laure Siriex, Christina, Julien Campani, Marc, Léonie Pinjot, Fancy, Mexianou Medenou, Owen, Alain Rimoux, Peter. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Vieussat. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.